Ce mystère excitant en moi la faculté ratiocinante qui est le bâton d'aveugle du savant et surtout du médecin, dans la curiosité acharnée de leurs recherches, je commençais immédiatement de raisonner cette situation pour l'éclairer. Depuis combien de temps existait-elle? Datait-elle de la disparition de Haute-Claire? Y avait-il déjà plus d'un an que la chose durait et que Haute-Claire Stassin était femme de chambre chez la comtesse de Savigny? Comment, excepté moi, qu'il avait bien fallu faire venir, personne n'avait-il vu ce que j'avais vu, moi, si aisément et si vite? Toutes questions qui montèrent à cheval et s'en vinrent en croupe à V avec moi, accompagnées de bien d'autres qui se levèrent et que je ramassais sur ma route.